can I come over tonight? Can I come over tonight? What do you think I wanna do? That's right. Can I come over tonight? I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. Les gens me disent, Rénal, est-ce que tu te souviens? Ben oui, je me souviens qu'un jour, il y a eu le jour, qu'ensuite, il y a eu le soir, à travers ça le matin, puis ben, comme ça, jusqu'à Vitam Popperman, puis... Et si soit pile, jamais de face. Oui, des deux faces, trois faces, quatre faces, cinq faces, six faces, sept faces, six faces, sept faces, sept faces, sept faces, ben oui! Est-ce que tu te souviens, il y a quelques semaines, t'as fait des improvisations avec cinq mots que t'as pris dans le dictionnaire, Robert? Oui, je me rappelle. Est-ce que tu peux faire la même chose? Je le ferai. Maintenant? Maintenant, avons-nous un crayon? Et un beau crayon feutre rouge. Allons-y. Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Hey, moi, je suis en forme. Je me sens comme une toupie. Là. Une toupie qui sait pas quoi faire. En fait, elle va chercher cinq mots. Cinq mots. Alors, on va aller avec... Oh, lamellaire. On le s'appelle. Lamelle. Avons-nous un papier? Ben ouais, on prépare une émission, on dit qu'on va faire des impros, puis on n'a même pas... On n'a pas de matériel. OK, attention. Oh, lamelle. L-A. M-E-L-L-E. OK, lamelle. Ensuite de ça, ça va bien, vous? Madame Tremblay, va bien, oui? Plaignant. Excusez-moi, j'ai une feuille dans la bouche, OK? C'est pas une banane dans l'oreille, moi, là. C'est la même affaire, mais une version bouche. Ensuite de ça, j'ai rampant. Rampant. C'est pas un peintre, ça? Non, ça, c'est Rembrandt. Rampant. Rampant, n'avec moi d'enfant. OK, rampant. Ça rampant, une émission comme ça. Ça rampant au moins 3 ou 4. C'est pas assez. Moi, je te dis que la société est pas assez absurde. Et puis là, on va aller avec résolution. Là, il n'en manque qu'un. On va aller vers le... On ferme le dictionnaire, OK? Puis on l'ouvre comme ça ici, au tout début, avec bouillon. Oh, monsieur bouillon. Bon, bouillon. Alors, ça donne lamelle, plaignant, rampant, résolution, bouillon. Ça commence bien une émission, là, de dire ça de même, là. Là, les, les, les, Le public s'attend à quelque chose de grandiose, là. Mais il n'y en aura pas de grandiose. Comment ça? Pourquoi, monsieur? Il y a de la bubule. Ben oui, il y a de la bubule. C'est parce qu'il y a de la bubule. Oh oui, l'émission de la semaine dernière, on a fini sa bubule. Hey, on a tombé sa bubule. Il y a de la bubule dans l'air. Il y a de la bubule dans l'air. Ça, pour comprendre la bulle, c'est facile. Il faut l'étudier. Pour l'étudier, il faut un microscope, une lamelle. On a pris lamelle, OK? Une lamelle, et tu l'observes dans son état naturel. Qu'est-ce que fait la bubule? La bubule fabule vers le haut, là, vers le bas. Hein? Elle se promène partout, dans la vitre. Dans la vitre? Ben oui, dans la vitre de la lamelle. La lamelle. Lamelle de blues n'est pas drôle. Non, lamelle de blues n'a jamais été drôle. Pas de drôle, même pas dans l'improvisation. Es-tu un jaloux, toi? Non, il y a de l'argent. Je sais pas pourquoi il y a de l'argent, mais la lamelle n'a jamais été drôle, OK? Ensuite de ça, mais moi, je veux pas être comme la lame. En fait, excusez-moi, je reprends. Je ne veux pas être plaignant de la lamelle. Oh, plaignant. OK? Je ne veux pas aller en cours suprême, en cours microscopique, oh monsieur, pour voir la petite poussière dans l'œil de la lamelle et lui dire « ma belle ». Si tu sembles si rêveuse, c'est qu'un jour ou l'autre, tu t'es prêtée à ton entourage qui... Oui, je l'ai vu de mon œil cérébral, OK? C'était des êtres rampants, OK? C'était des êtres... Je dis ça dans l'ordre en plus, hein? C'était des êtres rampants qui vivaient dans une autre évolution d'existence, dans une résolution d'appartenir à un peuple souverain. Oh, ouais, le Québec! Souverain et indépendant, dans une francophonie forte et heureuse de l'être. Madame Bourdeau, Madame Thibodeau, Jean-Pierre Léo, René Bébête, Oui, je me calme. Je reste tranquille. Non, appelez pas à parler. Non, je ne vais pas avoir la tête dans... Faites-moi pas un bouillon, là. Bouillon. Alors, on a dit, OK, on a mis la lamelle, plaignant, rampant, résolution et bouillon. Oh, bravo! Bravo! OK. Ouais. C'était tiré par le péteux. Bon. Ben, c'est ça. Au moins, on tire, on l'a, madame. Qu'est-ce que vous dites? Il y a de la bubule. Bon, il y a de la bubule. Où il y a de la bubule, il y a de la fabubulation. Hein? On est-tu heureux de vivre à cet instant précis de la vie, là? La chaleur nous gagne. Le coup de soleil nous fait croire que l'été est là dans une souffrance profonde. Aïe! Ah, oh, moi, j'ai fait cuire mon steak, là, puis en même temps, je cuisais sans le savoir. Les moustiques m'ont mangé autant que j'ai mangé mon petit filet mignon. Qui est plus mignon des deux, moi ou le filet? Là est la question. C'est un... J'ai des courbatures, je me suis penché pour avancer l'herbe tendre. Quand je serai heureux et dans l'herbe tendre que j'aurai arraché avec Reynald Gagné. Il se penche pas pour ça, lui. Il se penche pour ramasser des vers. Ah, des vers, oui. De vers en vers, d'aventure en aventure, de train en train, de porte en porte, encore, je te le jure. Arrête-moi ça, on la connaît. On la connaît. On dit que c'est du Serge. Serge Limel, Serge Lemou. Serge, il est très dur avec moi, Serge Lemou. Ah, c'est un professeur très, très, très rigide. Je dis, faut pas dire ça. Faut se tenir comme ça. C'est un peu comme notre, comment ça s'appelle, les grandes lunettes, là. Piccolo. Marc Favreau, non, ça, c'est... Pour lui. Le français, là, qui était dans les trois cloches. Mais, monsieur... Hein? Les frères cloches? Non, clochard. Paul Simoneau, Paul Silomo, Paul Peureux. Alors, je suis pas loin, là. Paul Buissonneau. Salut, Paul. Comment ça va, mon Paul? La mise en scène de Reynald Gagné et la supervision de Paul Buissonneau. Et ça va rouler, là. C'est comme des mises en scène de Denise Filiatro. Ah oui, go! Ah ouais, gauche, droite! Le public doit pas s'endormir, là. Ils ont payé! Ils ont travaillé toute leur vie pour voir une pièce dans l'année, puis c'est celle-là. Je veux que ce public soit le plus heureux du monde à cet instant. C'est ça, la devise de Denise. Elle est exigeante parce qu'elle sait que les gens qui vont voir ces pièces vont s'évader, vont oublier, vont passer un bon moment. Bravo. Puis les comédiens, ben, qui endurent, ils sont payés pour ça. Le moment s'invite à nous pour une... Non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'élan, il n'y a rien. Il faut inviter l'émission. Émission, invite-toi. Mais non, on peut pas se taire. Ah oui, 28 juin, c'est maintenant, c'est là. J'ai un texte à vous lire, si vous allez voir, c'est incroyable. C'est d'un grand texteur, non, c'est écriveur, un grand écriveur, écrivain. Un écriveur qui écrit 20, un écrivain. Traducteur, traduisé. Coiffeuse. Attendez, s'inspirer. Excusez-moi, j'ai l'accent de la planète Mars. C'est inspiré. C'est pas inspiré de là-bas, là. Non, moi, c'est inspiré d'une chanson de Brigitte Fontaine qui s'appelle « Comme à la radio ». La première phrase vient d'elle et le reste vient de moi. Traducteur, traduisé. Coiffeuse, coiffée. Où tardez-vous à voler? Vers les États-Unis? Le Québec qui bécote devant toute cette nymphonie? Non, je vais recommencer parce que c'est pas ça. J'ai oublié une petite phrase qui en dit long. En fait, un petit bout. Faut jamais oublier les petits bouts. Les petits bouts sont toujours jaloux de ceux qu'on oublie. Ben, on les oublie tout le temps parce que c'est des petits bouts. Les petits bouts jaloux. On y va. Traducteur, traduisez. Coiffeuse, coiffée. Où tardez-vous à voler? Vers les États-Unis, le Québec qui bécote la langue de Tremblay, devant toute cette nymphonie qui renifle la piste de l'indépendance à l'intérieur du fœtus francophone. Que de citoyens aphones face à cet horizon ensoleillé? Sans écho. Et non, il va leur dire... Oui, sans écho. Traducteur, traduisez. Coiffeuse, coiffée. Où tardez-vous à voler? Vers les États-Unis, le Québec qui bécote la langue de Tremblay, devant toute cette nymphonie qui renifle la piste de l'indépendance à l'intérieur du fœtus francophone. Quoi que de citoyens aphones! OK? À l'intérieur du fœtus francophone, que de citoyens aphones face à cet horizon ensoleillé? On pose une question ce soir, là. Très important. On va s'arrêter quelques secondes. Quelqu'un peut s'arrêter? Oui, c'est moi. OK, allez, arrêtez-vous et puis on va... Il y a de la bubule. L'art contemporain a-t-il un sens? Et sincèrement, je crois que mon émission, depuis le début, fait partie de l'art contemporain. Au même titre que la peinture abstraite a-t-elle un sens? Tout ce qui semble devant une société étrange, non signifiant selon un peuple qui s'adonne à la facilité du langage populaire et de l'art populaire. Est-ce que la marginalité a un sens? Oui! L'art contemporain en a un. La danse contemporaine en a un. Et Ransom Nadine n'en a pas. En a le pas. Mais non, mais à force d'aller à gauche, on est dans des circuits. Hein, des circuits, on ne sait pas vers quelle direction aller. Puis on ne dira pas vers où on s'oppose, là. Les gens le savent. Ah ouais, tu le dis depuis le début, puis là, tu viens de faire un élancé, puis c'est merveilleux, on t'aime bien. Puis, ah, merci. Est-ce que c'est vrai, madame? Puis vous, monsieur? Il y a de la bébule. Ah, oh, il y a de la bébule dans l'air ce soir. Monsieur le Président, monsieur le patron catholique, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéant Gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier, Reynald Lenéant Gagné. Aujourd'hui, chers frères, pêcheurs, pêcheuses, pisseuses, pisseuses, aujourd'hui, le vendredi 28 juin 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons. Oui, il y a de la bulle. Apaisons, monsieur, s'il vous plaît. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse Marguerite Prigent. D'origine celtique, Marguerite est née à Paris. Elle grandit dans un univers musical. Sa mère chante et s'accompagne au piano. Son père joue de l'harmonica. À 15 ans, elle savoure la pop music. La musique pop. Puis, t'aimes-tu ça, toi, le pop, mon petit? Il y a de la bébule. Oh, il y a de la bébule dans le pop. Il y a de la bébule dans le pop. Pop, pop, pipo, pala, palio, palo, pali, dali, di, da, di, di, do, la, li, lou, la, la, la, la, la, li, lou, les yeux bleus, la taille fine. Les yeux bleus, la taille fine, elle n'était pas si gentille. Non, c'est pas si fine. Elle n'était pas si fine. Na la la. La la la. Il n'y a plus de. Oh non. On a brisé, là. On l'a pas brisé, j'espère. Je crois que oui. Ta la la la la la la la lou la li la li li la li li lou. Il n'y a plus d'écho. Il n'y a plus Gilbert. Allô? Ah oui, il y en a. Il n'y a plus Gilbert. Il y a de l'écho. Loulou. Ah, merci. Tout loulou. Y en a-t-il? La la li la lou. La li li la li li lou. Les yeux bleus. La taille fine. Les yeux bleus, la taille fine. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête au contenu. La yeux bleus, la taille fine. Ta la la la la la la. Y a plus d'écho. Et petit problème de. Non, non. Je vous dis que tout va bien. Tout va presque bien. Ta la la li li lou. Ta la lou li li li li. La taille fine, non, il n'y a plus d'écho. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. OK. Alors, on va rester avec ça. D'origine, oh, c'est dommage. Attendez, on va rester quelques secondes. Mais placer de la musique, on peut pas. Placer de la musique. La, la, la, la, la, placer de la musique. Comment ça s'est arrêté comme ça, non? C'est insignifiant. Un. Ah oui, c'est j'ai touché un bouton qu'il fallait pas. Ça, c'est bien. Ça, toucher des boutons qu'il faut pas. Merveilleux. On aime ça comme ça. Oui, monsieur. OK. Bon, mais public, on y va comme ça. Puis tout est heureux, dans le meilleur des mondes. Puis on va essayer de remédier à la situation. Et je tiens à vous dire que c'est pas... Non, monsieur, c'est pas un problème technique. Parce qu'on nous a dit à la radio, on n'a jamais divulgué aux auditeurs que... On crame et puis que l'opérateur qui cherche la pédale à avancer, là, on n'avance pas, on recule! Madame Thibodeau, on recule! Oh oui, on l'a ici! Oh, c'est beau! Hein? On a retrouvé! Un, deux, on a retrouvé! Merci! On va faire une petite prière! Allô? Non, je suis dans la salle de bain. Ouais, vas-y! L'oreillette qui reste. Tout va. La technique nous lâche ce soir, mais nous ne serons pas des derniers survivants à tout ça. Puisque vous nous entendez, avec peut-être une étrange... OK, ça va bien? OK, oui. Ça va bien? Ah, avec des... Avec ou son béco, tololo. Alors, à 15 ans, elle savoure la pop music et puis le folk song et commence l'apprentissage de la guitare et du dulcimer. À 18 ans, elle s'intéresse au chant et fait ses premières apparitions sur scène du jazz au sein de Quintet Ribot. De retour à Paris, Margaret approfondit le chant, le piano et l'harmonica au CIM. Elle commence à composer, puisqu'elle adore la musique. Au cours d'un voyage à New York, elle fait la connaissance d'Herbie Hancock, le grand jazzman, à qui elle offre un texte en français pour sa composition. Elle va nous le raconter. Depuis, elle continue d'écrire sur d'autres standards de jazz, sur ses propres chansons ou encore sur commande. Plus d'une centaine de textes sont déposés à la SACEM, la SACEM. En fait, c'est pour amener le texte à des droits d'auteur. Donc, si je diffuse, elle recevra quelques sous. Et moi, j'ai 42 cents et 53 centimes. Non, des cents, c'est pas des centimes. J'ai 43, pas grand-chose, mais comme c'est de la bonne musique, va donner 25 $. Et je serai membre de CKRL. Comme ça, je vais continuer à pouvoir propager l'amour de Margaret Prigent et de dire oui, c'est la chanteuse que l'on doit propager partout en 2013. Enfin, jusqu'à la fin. Puis à Noël, là, Mme Thibodeau. Mme Thibodeau, à Noël, si vous n'avez pas quoi acheter, là, il y a l'album. Il y a l'album de Margaret Prigent. Extraordinaire avec la... C'est du tango, là. Tango argentino. Non, c'est mieux que ça. Moi, c'est du pauvre tango. Et puis, j'ai eu la chance, en 2012, de retrouver cette chanteuse. Et je vous la fais partager à l'instant. $100 used to be more than enough. And now 100 times a day and still it's not enough. People always tell me you get what you deserve. All I know is all and all is all I've heard. I heard you say, you know I hate myself, but I love everybody else. Did you say I can't escape myself? But then you did, and now there's no one else to blame. You know that I know, yeah, the times are rough. I'd like to help you out, but things are rather tough. People always tell me that you've got to let the help you have. Nothing in return is all I expect from you, my friend. I heard you say, you know I hate myself, but I love everybody else. Did you say I can't escape myself? And then you did, and now there's no one else. Non, non, il n'y a pas de souci. Juste un tout petit peu. Un peu? Oh oui, mais vous auriez pu prendre votre temps. On n'est pas pressé. Voilà. Non, mais j'aime bien arriver à l'heure. OK, donc, c'est bien. Voilà. C'est un principe. J'aime pas faire attendre. Donc, voilà. C'est déjà branché. Ah oui, c'est pas grand-chose. Même, on ne sait jamais. Moi, j'ai un petit côté incertain. Donc, j'ai deux sources. Alors, s'il arrive quelque chose, la deuxième va toujours rattraper la première. D'accord. Et c'est le montage qui fait en sorte que le truc est... Voilà. Excellent. Voilà. Et vous, ça va? Ben, écoutez, ça va, pas mal. Beaucoup de travail? Oui, beaucoup de travail, oui, pour... déjà, en pensant au travail, le CD, donc, est terminé depuis peu, donc... OK. Ben, moi, j'ai déjà quelques pièces, hein. Vous m'avez envoyé... Oui, là, voilà. OK. Ça, c'est le CD total, donc avec les 13 titres, comprenant les 5 premiers, mais j'ai fait quelques petites retouches. OK. Sur Dame de Tango, j'ai rajouté, par exemple, deux voix à la fin, etc. OK, alors j'ai une version inachevée, et celle-là, c'est la version que vous avez décidé d'en disquer. Voilà. C'est presque pareil, hein, mais il y a des petites modifications. Des nuances. C'est toujours dans les nuances que l'on peut apprécier une œuvre. Voilà. Vous avez commencé jeune à faire de la musique. Vos parents en faisaient. Votre mère était musicienne. Alors, ma mère, elle jouait du piano. Oui, elle s'accompagnait au piano. Elle chantait. Elle chantait quoi? Elle aimait, par exemple, beaucoup chanter du Barbara. Oh. Mais d'une manière tout à fait amateur. Oh oui, à la maison. Voilà, à la maison, tout à fait, merci. Et voilà, et puis mon père aimait beaucoup jouer de l'harmonica. Pareil, d'une manière amateur. Il jouait avec... Il aimait beaucoup les chansons de Jean Ferrat. Ah oui? Voilà. Ah oui. Et à l'harmonica, c'est quand même assez spécial. Voilà, mais c'était son petit plaisir. Ah, oui. Alors, lors des soirées, ils animaient tout ça avec... Pas le soirée, mais le dimanche. Le dimanche, tranquille. Il aimait bien jouer de l'harmonica. Quand on allait faire un peu de barque au bois de Boulogne, il prenait son harmonica, il jouait. C'était Mimi, quoi. Est-ce que vous êtes née ici, à Paris ou en bas? Oui, à Paris. Alors, vous êtes une pure Parisienne. Ben, si on peut dire ça. Ma mère était née en Bretagne, mon père est parisien, de mère bretonne, de mère belge. Donc j'ai ma grand-mère qui était belge et une autre grand-mère bretonne. Voilà. Ah. Mais mon père est parisien, je suis née à Paris et je suis parisienne. Et vous habitez, vous avez pas modifié votre place sur la terre, vous êtes resté à Paris, vous êtes ancré ici, vous aimez la vie parisienne, oui. Malgré les modifications avec les années, c'est plus la même chose? Oui, j'ai tenté, quand j'étais adolescente, je suis partie un peu à Auxerre, en Bourgogne. Ouais. Et après, j'ai dû revenir à Paris à cause du décès de mon père, donc voilà. Et puis plus tard, j'ai habité Paris et j'ai tenté d'aller ailleurs, dans le sud. Je me suis installée deux fois dans le sud. Marseille, j'ai failli, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Mm. Mais je me suis installée la première fois vers Montpellier. OK. La toute première fois, c'était vers Saint-Rémy-de-Provence. Et la deuxième fois, c'était à Montpellier. Et ses environs, et à chaque fois je suis revenue à Paris en courant. L'ennui et la diversité de la ville. Oui, c'est ça. Ça me manquait l'atmosphère parisienne, les caves de jazz où on peut rencontrer Pierre-Paul Jacques. C'est l'énergie. L'énergie. Parisienne. Oui, c'est vrai que je suis une citadine, j'aime bien l'urbain, j'aime bien les pavés, j'aime bien le trottoir, j'aime bien... La vivacité d'une ville. Oui. Ben, c'est aussi la musique, hein, c'est la fougue, c'est l'atmosphère, ça. Le rythme, un peu comme une chanson, tu es dans le rythme. Exactement. Et c'est une ville passablement rythmée. C'est une ville, en même temps... Désaccordé quelquefois. Très poétique aussi, très sensible. J'aime l'architecture parisienne. À chaque fois que je passe la Seine, quand je vois la Tour Eiffel, ça m'émeut. C'est bête, mais ça m'émeut. Comme beaucoup de personnes, c'est pas uniquement les touristes. Hein, je pourrais être blasée, mais pas du tout. Ah, je ne suis pas blasée. Quand je la vois s'illuminer le soir, C'est comme une enfant. Je me dis, mais c'est dingue, ça. C'est un gâteau oui. avec sa bougie qui, voilà. qui se brandit. Et vous avez voyagé beaucoup. Vous êtes allé... pas mal en Asie. Oui, j'adore en l'Asie, voilà. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu, dans cet endroit? C'est vraiment... Vous vous sentez à part, vous vous sentez déraciné, parce que l'Asie et Paris, c'est pas du tout la même chose. C'est... Ce qui m'a plu, c'est surtout l'Inde et ses alentours qui m'ont plu. Bon, je suis allée aussi en Thaïlande, au Népal, au Sri Lanka, à Java, à Bali, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais c'est l'Inde où j'avais fait un voyage pendant 5 mois, quand j'étais plus jeune. Et je crois que c'est la spiritualité qui m'avait plu. C'est-à-dire, chacun était à son rythme. Ils ont tous leur dieu, voilà. Et puis, cette communauté, elle s'entend, enfin, elle paraît s'entendre. Je sais que chez les hindouistes, par exemple, il y a une multitude de dieux, ils se respectent, ils se reconnaissent avec leurs signes. Je trouve ça chouette. Chacun et ce respect de la vache sacrée. À la fin des 5 mois, je caressais des vaches comme eux. Okay. Y a une espèce de philosophie là-bas. J'ai beaucoup appris. Je reviens. Avez-vous ramené ce qui animait cet endroit-là? Est-ce que vous avez essayé de propager ça à Paris avec vos amis, avec vos proches? Avez-vous retenté des mets ou un style de vie que vous avez adoré là-bas? Au contraire, là-bas, c'est un lieu précis où on laisse ce qui est là, puis ici, c'est une autre façon. Je crois qu'il faut... Vous êtes aussi... vous aimez le yoga? Vous aimez... Oui, j'ai fait du yoga. J'ai pratiqué pendant pas mal de temps. Et c'est vrai qu'à la maison, les gens qui passent, ils adorent le lieu parce qu'il y a ces zen. Tout en étant vivant, mais c'est très zen. Il y a des sculptures à droite, à gauche, asiatiques. Il y a des têtes de Bouddha un petit peu partout. Il y a des sculptures Shiva, Ganesh... Il y a une ambiance, oui, les gens sentent que j'ai été là-bas, que j'aime là-bas, sans en rajouter trop. Non, non, non. Il n'y a pas de tenture, par exemple. Non, on n'est pas dans les années babacool des années 70 ou 80. Mais... Alors, vous avez placé chez vous ce qui vous plaisait là-bas. Donc, quand vous rentrez à la maison, vous rentrez un peu à l'endroit que vous avez visité à l'époque. Vous vous sentez à l'aise, vous trouvez que... Non, c'est pas ça. Ce sont des objets. Okay. Je reste dans une atmosphère parisienne. J'habite une vieille maison avec des poutres cheminées. Donc ça garde une ambiance parisienne, même maison de campagne, parce que c'est assez aménagé avec un style un peu vieux, tout en étant... Actuel, vieillot actuel. Voilà. Mais ce sont les sculptures à droite, à gauche qui parfume, si j'ose dire, parce que je mets de l'encens de temps en temps, qui parfume l'ambiance et qui fait que les gens se sentent rassurés, se sentent bien. Et ça vous rassemble. Donc, les gens, c'est ce qu'ils disent. Avez-vous abandonné le yoga ou si vous le pratiquez encore ou vous tentez? Je pratique encore un petit peu à la maison, 3-4 fois par semaine. Ah, posture sur la tête, j'ai besoin de me recentrer. Thank you. simplement renoncer ou à te faire choisir tes amants de façon un peu moins légère. Je suis fatigué, fatigué par tes petites misères. Pour te consoler, ne compte plus sur moi comme hier. Alors préviens-moi si pour toi ça devient plus clair. Et si tu ne veux pas en parler, je saurai me taire. J'ai perdu mon temps, tu n'as pas changé tes manières. Tu pleures si souvent, c'est fini, je ne sais plus quoi faire. Alors préviens-moi si pour toi ça devient plus clair. Et si tu ne veux pas en parler, je saurai. En général, quand j'ai le temps, et si j'ai pas le temps, je le fais le matin. Okay. Je le fais le matin, mais il faut que je le fasse une fois dans la journée. Avez-vous des rituels de la scène ? Des rituels, je vais peut-être toucher ma tête yogi. Que vous l'amenez avec vous, dans votre sacoche ? Non. Okay. Ah non, okay. Que j'ai à la maison, parce qu'elle est très lourde, elle est en ébène. Mais sur scène, vous n'avez rien, là. Vous n'avez pas j'ai pas de protocole. Peut-être que... Peut-être que j'en aurai après, mais pour le moment non. Quoi. Je me dis, dans ma pensée, je donne le maximum, qu'il arrive. Mais du jazz à la musique flamenco, à la musique un peu plus flamenco, qu'est-ce qui vous animait là-dedans? Pas flamenco, tango. Tango, excusez, qu'est-ce qui vous animait là-dedans? Parce qu'on est loin, là, si vous aimez le jazz et vous aimez la musique un peu plus festive, il y a comme le côté suave du jazz et le côté dansant du tango. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé la musique de Piazzolla depuis très longtemps. Donc, je l'ai découvert dans un atelier dans lequel je cohabitais avec un ami qui était jazzman. Et qui un jour m'a fait écouter La Révolution du tango d'Astor Piazzolla sur un vieux 33 tours. Et là, mon cœur a été tatoué à vie. Et donc, depuis, ça ne m'a jamais quitté. Et après, j'ai fait des petits concerts où je faisais des compos. Et je terminais. Piano-voix. Okay. Et puis, j'ai commencé à écrire la première chanson sur le Libertango d'Astor Piazzolla. Mm-hmm. Alors, je le raconte dans le livret du CD. C'était rigolo parce que. Quand j'étais plus jeune, donc après avoir découvert Piazzolla avec ce disque, je me retrouve à l'école du CIM, c'est une école de jazz. Ouais. Et il y avait un atelier dans lequel je participais tous les mercredis qui était animé par un Argentin. Et on était 12, il y avait 11 garçons et moi j'étais la seule fille. Et au programme, il nous a fait travailler le Libertango d'Astor Piazzolla. Et quand il a fait les arrangements, il a eu la merveilleuse idée de me mettre au bout de la 172e mesure et je devais faire ah ah ah ah ah deux fois, c'est okay. tout. Alors moi, j'étais drôlement frustrée. Et tous les mercredis, j'entendais ce thème, Libertango, Libertango. Tous les musiciens faisaient leur chorus et moi, j'étais là. Ah, oh, vous attendiez votre... Voilà, mon tour pour faire ah, ah, ah. Alors donc, de mon sang en ébullition, eh ben, est née les premières paroles sur le Libertango. Et comme c'est une adaptation, j'ai dû l'appeler Dame de Tango. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Pourquoi vous avez décidé d'écrire et non pas laisser à un parolier? Parce que c'est sorti. Quand ça sort, ça sort. OK. Mais vous n'avez aucune formation. C'est vraiment instinctif. C'est... J'avais déjà écrit des textes. J'avais déjà écrit des textes sur des compos à moi. OK. Et puis là, c'est venu. C'est venu. Est-ce qu'écrire pour le tango, ça demande une certaine structure narrative ou au contraire, vous l'écrivez comme si vous écriviez une chanson pop ou une chanson... Ah non, je suis... Ben, sur Piazzolla, par exemple, j'ai suivi complètement la musique. OK. Et j'ai adoré, même... j'ai pas eu le droit d'exploiter Milonga, Muerte, Résurrection del Angel. À cause des droits d'auteur? Ben, ils m'ont pas donné l'autorisation pour la Milonga. J'avais l'autorisation pour la mort et la résurrection, mais sans la balade, ce que j'ai appelé la balade, c'était... J'ai écrit un triptyque. Alors donc sans le premier morceau, j'ai pas pu enregistrer les autres. Mais par exemple sur ce triptyque, la première mélodie ça va, mais après ça part dans tous les sens. Et j'ai adoré écrire des mots sur justement, parce que là j'ai fait une histoire sur une femme qui aime un ange, mais l'ange n'a pas le droit d'aimer une femme, n'a pas le droit d'aimer. Donc ça. Et à la fin de l'histoire, ben, la femme, elle prend des paradis artificiels pour retrouver son ange. Donc c'est une très jolie histoire. Et c'était très difficile, mais rentrer dans ce domaine-là, si vous voulez, je me rends assez... J'écoute. Oui, non, puis complètement imbibé par la musique pour sentir qu'est-ce qui vient. Et puis après, il y a le délire qui fait que les mots arrivent. Et ça, j'ai adoré. Plus c'est compliqué, en fin de compte, plus j'aime. Ah, ben c'est bien, parce que la complexité, ça donne aussi quelque chose d'assez unique, d'assez profond, d'assez recherché. Créatif, quoi. Est-ce que c'est difficile d'avoir les droits d'auteur de Piazzolla, quand même? C'est pas... Alors, ben là, ça s'est passé d'une manière complètement... Est-ce que vous l'avez rencontré, premièrement? Non. OK. Non, malheureusement. Un rêve. Malheureusement. Ouais. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il meure comme ça en 92. Non, voilà. Hein? Et on se dit toujours qu'on aura le temps, et puis, ouais. Et voilà, quoi. Et pour les droits d'auteur, ben, j'ai demandé des autorisations. J'avais déjà demandé des autorisations il y a une dizaine d'années. J'avais déjà fait un disque plus lounge sur des musiques de Piazzolla. Et j'avais rencontré quelqu'un qui avait des éditions, qui s'occupait des affaires de Piazzolla, qui m'a dit oui. Puis c'est tombé dans les oubliettes. Et là, je m'étais dit, l'année dernière, je me suis dit, bon, je veux faire ce projet, je ne pourrais pas aller au-delà dans ma vie si je ne fais pas ce projet. C'est un peu comme si c'était vous devez sauter, vous devez passer cette étape pour aller voir ailleurs après. Vous deviez faire cet album-là pour aller plus loin, pour aller ailleurs après. Et donc là j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et donc d'écrire aux maisons d'édition. Alors là c'était un peu complexe, je vous raconte tout ça. Oui, l'intérêt. Alors il y a par rapport aux œuvres que je présente, il y a trois maisons d'édition qui s'occupent des adaptations. Parce que ce que je voulais chanter qui est déjà écrit, je n'ai pas besoin d'autorisation. Mais j'ai écrit 8 textes. Donc je voulais que les 8 textes puissent être dans l'album. Donc il y a trois maisons d'édition. Il y a une première maison d'édition qui me donne l'autorisation pour 3 morceaux. Elle me dit pas de problème, vous allez avoir l'autorisation. Et vous aurez 10% sur les droits, sur vos droits à vous de parole, sur mes textes. 10%? 10%. Alors 90% à ça. Ah, oui. Attendez, hein. 10%. Oui. Attendez. Donc, ils me disent ça. La deuxième, elle a 2 morceaux. Sur la deuxième, il y a 2 maisons d'édition. Faut que je dise non ou pas? Pardon? Faut que je dise non ou pas? Est-ce que c'est gênant? Est-ce que vous voulez chanceux? Je sais pas, ça dépend si bon, enfin bref, il y a 2 maisons d'édition, okay. sur la deuxième, donc oui. Eux ils ont 2 titres, okay. Et là il y a 3 titres, okay. D'accord. Donc elle me dit d'accord, vous aurez 10%, oui. Super. Elle me dit je vous prépare les papiers, okay. Et comme je suis pas dans l'urgence, je laisse un petit peu le temps passer en attendant d'avoir les deux autres. Oui. Là, lui me dit, d'accord, je vous donne les autorisations avec trois morceaux. Et il me dit, pareil, 10% avec le premier morceau de la trilogie. Okay. D'accord ? Donc là, là-dedans, j'ai Balade de l'ange. Oui. Donc, ok, je signe. Ensuite, là, ça prend du temps. Il y a deux morceaux qui restent en stand-by. Ensuite, je reviens à la première maison d'édition qui me dit, entre-temps, parce que moi, quand on m'avait dit 10% et que ouais. la dame m'avait dit, mais vous êtes drôlement chanceuse, on vous donne 10%, je m'étais dit, mais elle, je ne sais pas si elle se fiche de moi ouais, ou ouais, pas. Oui, hein? C'est quand même pas beaucoup. C'est quand même pas beaucoup. Ouais. Je vais à la SACEM. Et à la SACEM, le type, il vérifie, il me dit « Ah, ben, c'est bien qu'on vous donne 10% parce que Grace Jones, quand elle a fait sa version 80, elle a eu 10%. Guy Marchand, quand il a fait « Je suis Tango Tango ouais. », il a eu 10% aussi. Donc, si vous avez 10%, vive la démocratie, je l'ai aussi. » C'est pour tout le monde. Voilà. Soit... Alors, je retourne vers cette maison d'édition. Entre-temps, la dame qui m'avait donné les autorisations… À la SACEM. Non, c'est okay, pas la SACEM, à la maison d'édition. Okay. Elle part en retraite. Et il y a quelqu'un d'autre qui reprend. Et qui me dit au téléphone, « Ah mais non, mais pas du tout. Ah, mais il n'y a aucune raison que vous ayez 10%. À la limite, vous aurez peut-être les autorisations, mais sans rien. » Je dis, « Mais non, on avait dit avec cette dame. Ah bah oui, mais bon, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, etc. Non, non, non, vous n'aurez rien du tout. » Parce que vous n'aviez rien signé, là. Non, okay. elle m'avait dit juste par mail. Oh, okay. Mais elle n'avait pas... Lui reprend, comme c'est des éditions qui passaient par l'Italie, donc du coup je me retrouve avec zéro. Je me dis, c'est pas grave, si j'ai les autorisations, ça me permet quand même d'enregistrer. Donc là j'ai obtenu effectivement les autorisations pour trois morceaux, 0%. Là j'ai obtenu les autorisations pour trois morceaux, dont deux morceaux qui font partie de la trilogie. Okay, ouais. D'accord ? Et enfin, la dernière boîte, elle me refuse deux morceaux, catégoriquement, sans me donner d'explication. C'est un non. Définitif. Et dans ces deux morceaux-là, j'ai le premier morceau de la trilogie. I'm so lonesome, I do cry. pâte en fumée, volée de fond dénuée, dénuée de scrupules. Volée de pâte en fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances. Des dagues et des lances en toute innocence. Volut pas ton fumée sous les yeux embués d'étranges libellules. Grimace et un rictus de plus. Je fais des assauts, je m'en donne de la peine. Je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je cloue des clous sous des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sous des nuages sans échafaudage. Et mon corps de se vouer à des lignes sous-douées, aux coupes souveraines, pleines, pleines, pleines. Volute pas ton fumée sous des soleils qui s'ignorent. Pardonnez mes réponses allongées. Mais que dire, mais que faire? Mais comment ça tient en l'air? Ces deux hémisphères, bah quel mystère! Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. J'suis tout enroulé dans mon tapis en attendant le film de minuit. Dehors, y'a juste les lampadaires qui checkent ma fenêtre sans avoir l'air. J'me ronge les ongles en récompense en attendant que la vie commence. Ma chatte qui m'aime vient me frôler, j'y fais une pause pour la remercier. Du poil dans le cou, une griffe dans le cul, j'attends toujours la maudite vue. Le lampadaire qui est à même place, j'ai collissé à ma claque d'en face. Mais je garde mes forces pour la bonne cause, je ressource sa chatte puis je l'arrose. Hey! Assois et sors pas, je suis tanné d'aller voir. Oh yeah! Toutes les soirs, toutes les soirs, toutes les soirs. Faudrait bien que je trouve d'autres choses à faire pour mon trip de célibataire. Je me fais une sandwich aux tomates en attendant le style plus plat. Le lampadaire me regarde aller, j'ai l'impression qu'il se moque de moi. Ma chatte qui jouit, miam, miam, miam, miam, je prends ma sandwich, puis je sors dehors. Mais v'là que je suis pas rempli de remords, j'ai dit du trouble avec mon corps. Avec mon char. J'ai encore la main sans pognée, vas-tu sortir ou bien rentrer? La lampe à l'air, pas plus bravade, me dit que la vie vaut pas de la main. Mais ma conscience qui est toujours là me dit qu'on se aussi dans. Hey! Assois le short, bon, je suis tanné d'aller voir. Oui! À la casse-bas, comme je le fais toutes les soirs, toutes les soirs, toutes les soirs, toutes les soirs. Son rouge est devenu blanc dans l'eau de Javel avec le temps. Mon cactus mauve est devenu noir en face d'elle sur le calorifère. Le lessier vient me collecter samedi midi quand je viens de me lever. Le Wari mouille depuis hier, y'a pas de remède pour le cancer. Le Wari mouille depuis hier, y'a pas de remède pour le cancer. Le Wari mouille depuis hier, y'a pas de remède pour le cancer. Ha ha ha. fils du monde, se tremper au fond du corps. Sont acceptés. Si bien qu'en tout, ben j'ai trois morceaux autorisés ici à 0% et là j'ai un morceau autorisé à 10% qui est une adaptation. Hey. Donc voilà pour l'histoire des autorisations. Alors ben là-dessus, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, moi c'est une histoire d'amour entre la musique de Piazzolla et moi. Ça fait 30 ans que j'écoute cette musique, que je l'adore. Depuis le temps que je la chantais, même quand je faisais mes compos, tout ça, et que je terminais par une chanson de Piazzolla, on me disait, mais ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi. Puis je sentais mon sang en ébullition quand je chantais du Piazzolla. Quand je faisais mes compos, il y a une certaine pudeur qui se dégage quand j'écris ou quand je fais ma musique, et c'est sympa, mais je ne dis pas les choses vraiment. Alors qu'avec la violence de la musique de Piazzolla, bam, l'énergie, les mots sortent. Qu'il soit révolutionnaire, qu'il soit tout ce que vous voulez, ça sort. Ou que ça parle de spiritualité avec un ange, etc., ça sort. C'est comme si on faisait... Les mots m'étaient dictés. Mais avez-vous mentionné à l'autre maison que la deuxième vous offrait 10%, tandis que cette maison-là vous offrait 0%? Et puis, ils sont pas branchés. Mais au moins, vous avez la chance d'avoir la musique de Piazzolla. Voilà. Donc c'est quand même flatteur. Ben et... voilà, les autorisations finalement, au départ, ce sont un groupe d'avocats qui a autour des maisons d'édition. Ouais. Qui et puis il y a la veuve de Astor Piazzolla qui veut peut-être avoir un cercueil avec des clous en diamant. Oui. Ou veut vivre grassement ces derniers jours. Ben oui, ben, c'est incroyable. C'est des millions, ouais, des millions. Donc là, on n'est pas dans les partages des richesses, hein, et puis on s'en fiche. Hein, l'amour envers Piazzolla n'est pas le même. Je peux me vanter d'avoir un amour pur par rapport à sa musique. Et pour moi, c'est ce qui compte, quoi. C'est ce qui compte. Alors, vous pouvez... est-ce que souvent vous faites des concerts piano-voix ou vous préférez des musiciens? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez faire plusieurs spectacles si on vous demande dans une salle de vous présenter avec le piano? Vous pouvez uniquement faire ça, piano-voix, ou au contraire, on vous demande, ben, venez avec votre orchestre et comment vous travaillez? Ben c'est, en fin de compte, c'est assez variable. Je me suis habituée à pouvoir m'adapter en toutes circonstances. C'est ce qu'on apprend aussi en Inde, par exemple. Ce voyage m'a beaucoup servi pour m'adapter à beaucoup de choses. Le jazz aussi. Et le yoga? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai une devise, s'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ah oui. Et surtout... être le plus indépendant possible. Donc il est clair que j'ai déjà fait, oui, un concert Piazzolla piano-voix avec un percussionniste, par exemple. Et puis j'ai déjà fait aussi un concert sur des musiques de Piazzolla en big band, où j'intervenais, piano-voix et avec le big band. Et puis là, pour ce disque-là, on a fait trois concerts, là où on était en quintette, donc avec un pianiste super, qui a compris dans quel sens j'avais envie de fonctionner, c'est-à-dire entre jazz et tango. Donc lui-même qui est argentin, mais qui a 20 ans de vie parisienne et de jazz dans les doigts. Donc ça, c'était très bien. Plus un bandoneoniste argentin, un percussionniste qui est là depuis 20 ans aussi sur Paris, et un contrebassiste qui fait de la basse aussi. Alors pourquoi jazz tango? Parce que Piazzolla, en fin de compte, il a vécu entre Mar del Plata en Argentine et New York. À 7 ans, il est parti vivre à New York. Et plus tard, à l'adolescence, il est revenu à Mar del Plata et ensuite il est revenu à New York. Si bien que toute son enfance a été bercée aussi du pavé de New York, des caps de jazz. Il avait beaucoup d'admiration pour Cab Calloway. Il faisait le mur même, au lieu d'aller à l'école, il faisait le mur et tout ça. Il a vécu dans les bas-fonds un petit peu à New York parce qu'il avait un oncle italien, enfin un oncle. Oh oui, en guillemets, oui. Comme ça, qui tenait plus ou moins derrière son bar un tripot avec des femmes et puis des billards. Donc il a été mêlé à cette vie new-yorkaise très pimentée de mafia italienne parce que cet oncle était italien. Et en même temps, de culture de tango, puisque son père voulait absolument qu'il devienne bandoneoniste. Alors que lui détestait le bandoneon quand il était petit, et il n'aimait pas le tango. Il trouvait que c'était une musique triste, il s'ennuyait, il disait « mais je comprends pas cette musique triste, etc. etc. » Et donc, pendant une bonne partie de sa vie, il jouait du tango parce qu'on lui a mis un bandoneon dans les mains, mais il n'en avait rien à faire. Il jouait, c'était pour gagner des sous. Quoi. Mais lui, il rêvait de jazz, il rêvait d'être pianiste, etc. Jusqu'au jour où il vient à Paris, étudier avec Nadia Boulanger. Et puis Nadia Boulanger, qui un jour, elle le révèle à lui, et puis elle lui dit, mais enfin, Piazzolla, vous essayez de jouer du piano, mais vous n'êtes pas très doué en piano, donc montrez-moi ce que vous savez faire quand vous jouez du piazzolla. Non, mais du bandoneon. Voilà, mais okay. Il ne lui avait pas dit qu'il jouait du bandoneon. Il avait honte de jouer du bandoneon. Et alors là, il s'est mis à faire du piazzolla. Et elle lui a dit, mais c'est là. Oui, l'illumination. Complètement. Alors, en fait, c'est elle qui l'a révélé, qui lui a dit, c'est arrêtez tout, abandonnez le piano. Ben voilà. Et laissez-vous... aller dans qui vous êtes. Vous êtes fait pour ça. Et comme il avait déjà joué pas mal de bando, il avait déjà les doigts déformés par le bando. Donc, au niveau du piano, il arrivait à peine à faire l'octave. Il pouvait pas toucher les touches. Hein, donc, il pouvait toucher les touches, mais il pouvait à peine faire l'octave. Ouais. Donc, il avait déjà les doigts formés. C'est ça. Alors là, quand il a compris ça, quand elle l'a révélé à lui-même, il s'est dit, je retourne, je fais une formation. Et voilà, et donc, il a fait une formation. Mais comme il avait derrière toute cette culture un peu jazzistique, cette culture classique, parce qu'il a beaucoup travaillé la composition, les contrepoints, donc il a révolutionné complètement le tango danser, parce qu'avant c'était du tango pour danser, et lui il a inventé le tango pour écouter. Il a intellectualisé le tango. Complètement, le tango pour écouter, si bien qu'il n'a pas été aimé trop à Buenos Aires, parce que... Mais aujourd'hui je crois que c'est au contraire, on le vénère aujourd'hui, là. C'est encore plus très... extérieur que oui, là-bas. Oui, tout à fait. Alors, on n'est jamais reconnu dans son pays, hein? oui, on peut dire ça. Félix Leclerc, c'était aussi le grand problème. Il est venu ici, puis c'est quand il est reparti pour le Québec. Oh, Félix, t'as un grand succès, c'est dommage. Voilà. Mais une chose, c'est vous êtes aussi professeur de chant. Oui. Est-ce que vous enseignez encore? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi? C'est quoi? C'est vous voulez transmettre ce que vous connaissez ou... Donner des cours de chant, d'abord, c'est donner la possibilité aux gens qui, par exemple, ne savent pas chanter ou ne sont pas très bien dans leur peau, la possibilité de se sentir mieux. Okay. J'ai eu deux associations. La première s'appelait le bien-être à portée de voix. Ouais. Et la deuxième, bien dans sa voix. Alors j'ai arrêté de m'appeler le bien-être à portée de voix parce que les gens confondaient un peu psy et cours de chant. Alors c'est vrai que dans les cours de chant, on manie un petit peu la psychologie. Il faut aller chercher à l'intérieur ce qui se passe chez les gens. Et donc je me suis dit, bien dans sa voix, bien dans ses baskets, ça va le faire. C'est bien comme titre, hein, bien dans sa voix, c'est l'image, la métaphore, hein, bien dans sa voix. Voilà, ça... Alors donc, avec ce nom-là, ben, j'attire pas mal de gens qui ont envie de chanter, et mais qui, comment dirais-je, qui osent. Voilà, maintenant, ils osent. Et donc, il y a des gens ben, de tout univers, que ce soit des enseignants, que ce soit... Des boulangers, que ce soit des... N'importe qui, des n'importe quel âge. Et voilà, je fais accoucher aux gens leur propre voix. Et ça, c'est super, parce que même des gens qui chantent faux, on fait de la rééducation, etc., jusqu'à temps qu'ils puissent vraiment reconnaître les notes et chanter. Et je leur fais sortir leur voix. Et c'est l'assurance aussi que vous leur donnez, l'assurance. Oui, parce que forcément, dès que vous vous sentez mieux dans votre voix, ben, parce qu'il faut tout le ça corps. Paraît, oui, il faut oui. que le corps travaille entièrement. Alors à partir de ce moment-là, ben, effectivement, les gens se sentent mieux. Et croyez-vous, en étant professeur, ça vous met de la pression? Pression de quoi? Ben, lorsque vous êtes sur scène, vous dites « Oh, je dois faire attention, je suis quand même professeur, je dois pas... » Ben, c'est mon défaut, justement. Okay. Les gens me disent « Oublie un peu parce que tu es perfectionniste. Oui. » Et moi, je trouve pas plus que ça, mais on me dit souvent oui, d'oublier. C'est quand même une certaine pression, peut-être inconsciente. Oui, oui, oui, oui. Lorsque vous indiquez à vos étudiants, il faut faire ci, il faut faire ça, et là, vous êtes devant public, et j'espère de pouvoir mettre en pratique ce que j'enseigne. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Il y a de tout. Oui. Quand vous enseignez, vous êtes derrière un piano. Oui. Thank you. Yes, indeed. Here we are. At St. Alfonso's Pancake Breakfast, where I stole the margarine and wheedled on the bingo cards in lieu of the latrine. I saw a handsome parish lady make her entrance like a queen. Why, she was totally chenille and her old man was a marine. As she abused the sausage patty and said, why don't you treat me mean? St. Alfonso's Pancake Breakfast. Wow, get off the bus. Where I stole the margarine. J'aime ça, moi, me faire stresser comme ça. dans mes feuilles, tout est tombé par terre, puis là, je recueille des feuilles en feuilles. C'est comme Prévert, là. C'est quoi la chanson de Prévert, là? C'est les feuilles. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, mon amour, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Mais le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, toi qui m'aimais, mais la vie efface ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la vie efface sur le sable le pas, les pas des amants désunis. Comme le mentionnait Jim Morrison, il y a de la frisson. Hein? Arrête de frissoter, toi. Je ne frissonne point. Non, je ne frissonne point. Et vous, madame? Elle, c'est un point à l'envers, un point à l'envers. Et un point plus qu'à l'envers. Elle n'a jamais changé son objectif. Jamais je ne serai droit, puisque penché je suis. Comme il s'appelle dans l'arbre. Un peuplier. Le peuplier a toujours été penché. Comment ça, il a été penché? Le vent. Tu mets un érable, un chêne, un peuplier, le vent va s'attarder sur le peuplier. Pourquoi? Ben parce que son nom l'indique, peuplier, un peuplier, un peuplier. Ah ben on l'a compris, là. OK, c'est une blague. OK, la barre est fermée. On donne plus rien. C'est terminé. Oui, c'est terminé, hein? Est-ce que c'est terminé, madame? Il y a de la bébule. Comme le mentionnait Jim Morrison. Jim, mon frère Jim. Jamais je rentrerai. Si vous me voyez dans un gym en train de faire de la gymnastique, là, dites-vous que il y a plusieurs alternatives. Premièrement, l'aide qui est devant vous, là, que vous venez de localiser comme étant rénal gagné, et parce que je vais vous dire la nomenclature, OK? On a très bien compris. Un, somnambule, faut pas le réveiller. Dites, hey, t'es bon, toi, hey, tu lèves des poids, t'es bon. Ouais, mais moi, c'est des poids verts, hein, numéro 1, c'est très, très léger, hein. C'est comme mon cerveau, c'est des petits poids, tout le temps des petits poids. Dans ma vie, là, il y a juste des petits poids. Des gros poids, je m'affaisse. Je suis pas un gérant, pas un assistant gérant, moi, là. Moi, la hiérarchie, j'ai toujours su que ça aidait à valoriser le minable. Je suis pas un minable. Je suis un petit poids. Un petit poids qui donne le rouage, qui donne sa petite, son petit effort à notre société, qui fait sa petite vie, qui fait pas son petit ménage. qui veut pas son petit repassage, mais qui fait son petit lavage. Pas de brosser de blanc, pas de brosser de noir, pas de brosser de rouge, du brosser en général, du tissu, c'est du tissu. On colle ça dans la laveuse, on met du lavage, du savon à lavage. À lavage, à Laval. À Laval, comme à Montréal, on met du savon. Mais à Québec, c'est encore moins. J'arrête de dire ça parce que les gens vont se dire, Rénal, il pète de la broue avec ça. Non, mais je reste dans le Québec, dans le vieux Québec, moi, là, le vieux Québec. Hein? On n'en fait pas, nous autres. On n'en pète pas de la broue. On est de la broue. Des belles bulles fleurissantes. Il y a des Chinois qui nous prennent en photo. Tring, tring, tring, tring. Moi, je me sens comme un top modèle. Là. Tom Cruise. Il faut que j'arrête de me prendre pour Tom Cruise. Je vais commencer à embrasser des gars. Fait que là, tranquillement, là, je me dis... Je suis Gérard Depardieu. Je me promène sur la rue Sainte-Famille. Je tourne sur Couillard, à côté du Amus. Amus. Et je continue vers la rue Saint-Jean. Je suis Gérard Depardieu. Un peclin, un peclin. J'ai un nez, moi, un habitacle. Une source naturelle. qui cherche son chemin. Je suis sur scène avec Barbara, qui me dit... Ma plus grande histoire d'amour, c'est toi. Lily Passion, comme l'a mentionné Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Attention, ça c'est important, de se dire que Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres, parce que là, ils sont plus ronds, ils sont carrés, et donc on les dit qu'ils sont terrestres. Puis si vous les voyez, caressez-les pas. Parce que les extraterrestres n'aiment pas se faire caresser. Ils vont vous volatiliser votre cerveau. Eux autres appellent ça un cerveau. C'est un genre de serveur. La matière grise, dans leur monde, c'est un serveur. Comme en informatique, mais hey, attention, mets de l'écho. Là-bas, là, ça fait bien longtemps qu'ils connaissent ça, les disques durs. Là. Puis à peu près 2 millions d'années, là, ils ont implanté des disques durs dans le cerveau. Hey, tabarnak. Ils n'ont pas de maladie, eux autres. Ils n'ont rien. Si tu rencontres une belle extraterrestre, moi, j'en ai vu deux. Puis je corresponds, là, ce réseau contact. Là. Ce qui les a attirés, là, je l'ai dit à l'émission précédente, la semaine dernière, c'est que j'ai les cheveux verts et les yeux rouges. Puis ce qu'ils recherchent, ces belles extraterrestres-là, c'est des gars aux yeux rouges et aux cheveux verts. Là. Puis ils m'ont dit dans leur langue... Et là, il est excité. Écoute-moi, arrête. Là, ça te bécote dans le cou. Avec la langue. Arrête. Oh, moi, je suis un simple terrien. Ils savent comment nous chercher, nous. Hein? Là, en plus, le Québécois, ils ont comme le dialecte. Le disque dur est rempli au coton. Là. Ils sont en Russie. Ils vont faire ce que les Russes aiment bien entendre. Là. Puis moi, c'est des histoires d'amour plein. C'est leur langage, c'est un beau langage, ça fait des bébules. Moi, j'ai eu 3 enfants dans ma vie, puis à l'âge de 8-9 mois, ils faisaient ça. C'est beau. Mais elles, c'est des belles grandes filles, là, vertes, là. Oh! Excuse-moi. Alors, Facebook venait... Non, mais j'étais dans une transe. Mes sandales, l'été, c'est chaud, mais là, moi, j'aime pas ça, je mets des bas. J'aime pas ça montrer mes pieds. Il n'y a rien de plus laid chez l'humain que les pieds. Si tu l'es des pieds chez l'humain, ah, c'est dégueulasse. Oh. L'inventeur des pieds, là, fais-moi ça, c'est un brouillon que t'as fait là. Ah. C'est répugnant. Là, c'est sûr que ça inspire les poètes. Là. J'avais dessiné sur le sable son du visage. Là, il y avait des pieds et des visages. Et j'ai crié, petit pied. Pour quel... Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. On n'a rien compris, c'est normal. Là, ici, maintenant. Là, on ne peut pas dire ça maintenant. Puisqu'on doit passer à l'autre appel. Le nouveau est-il vraiment nouveau? Puis ça, c'est important, puis c'est intéressant à réfléchir ensemble. On va le faire, là. On va prendre le temps. Ah, oh, mais là, on nous a dit que le temps était passé. Non, non, non. Le temps est ici, présent. On l'accapare. On se l'approprie. Et on lui laisse la place. Avec cette phrase que j'ai perdue. Et que je retrouverai dans quelques secondes. Puisqu'elle est en dessous. Quoi, la phrase? Ben oui, mais Le nouveau est-il vraiment nouveau? Mais non. Tout a été inventé. Il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière. Je suis venu, moi, après-midi, dans ton entreprise, là. Puis la petite fille, la petite caissière m'a demandé, veux-tu un sac? Moi, j'ai dit, calice de tabarnak! Puis là, les deux personnes qui étaient en avant, il y a peut-être la gérante puis la stagiaire, m'ont regardé puis sont mis à rire. Puis moi, j'ai dit, ouais, mais c'est pas la première fois qu'on me le fait, là. Là, il dit, hein? Voyons donc, toi. Je pensais d'avoir inventé une blague. J'ai dit, hey, tout a été dit, tout a été fait. Rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Ni nouveau. Ni nouveau. On n'est jamais nouveau. Quoique chaque personne est autonome et singulier, puis est tout à fait authentique. Mais les idées, les mots, les phrases, c'est dur à mâcher. Quoique peut-être dans l'absurde, on trouve des filaments. Là, hein? J'ai un filament comme mon lavage. Hein? J'ai un filament de blanc, un filament de rouge, puis un filament de caviar. Du caviar? C'est pas des œufs de... Oui, c'est des œufs de poisson. De poisson, faites les œufs d'un quart de tasse de béchamel. Du bicarbonate. Et deux grains de ginseng. Ben voyons donc, du ginseng là-dedans? Oui, mais ça, c'est l'ingrédient mystère. Oui, c'est pas très mystère, tout le monde le sait maintenant. Ouais, mais moi, j'aime ça, propager la bonne nouvelle. Ben OK, on y va. Ben non, c'est déjà fait. '69, okay. Walk across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. I didn't have a lot of fun. And now I'm gonna be 22. I say oh my and a boo-hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo-hoo. Well, it's 1969, okay. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. And it's 1969. And it's 1969. And it's 1969, baby. It's Sur scène, mais il y a tout qui vient, il y a la gestuelle, il y a l'interprétation, il y a les musiciens avec vous, il y a... Mais il y a surtout le public. Voilà, voilà. Donc ça change tout. Voilà, ouais. Ça change tout. Avez-vous des atmosphères que vous préférez? Les bars, c'est quand même assez extraordinaire, les bars pour chanter. Hein? Une salle, c'est bien, mais un bar, c'est encore mieux. Vous ne croyez pas? Ben, ça dépend, parce que les... dans les bars, il y a les bruits de bar. Ouais. OK, les gens sont moins attentifs, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, okay. Les gens parlent. En même temps, quand vous n'êtes pas trop sûr de vous, c'est pas mal, parce que c'est une bonne école. Ouais, OK. Une très bonne école. Et puis là, ben, le dernier concert, c'était dans un petit théâtre, il y a 2-3 jours. Et quand vous êtes dans un petit théâtre ou dans un lieu comme ça, ben, les gens sont plus attentifs. Plus les gens se sentent interpellés, hein? Oui. Parce que vous les regardez presque dans les yeux. Voilà, c'est... voilà. Non, puis j'aime aussi le vous pouvez leur donner le maximum. Ah oui. Quand les gens sont vraiment là pour vous écouter, même dans une cave de jazz, l'autre fois au Sunset, les gens étaient très à l'écoute. Et quand vous sentez qu'ils écoutent, là vous pouvez vous permettre de chuchoter, d'apporter de l'émotion vraiment comme ça. Vous parliez de Barbara, elle faisait ça, Barbara. Oui, ben voilà, voilà. Elle chuchotait. Voilà, Elle prenait ses faiblesses et elle les transformait en force, comme disait Gainsbourg. Hein. Mm. À la fin, là, elle avait beaucoup moins de voix, mais c'était de toute beauté, puisqu'on sentait, la femme qui avait vécu, la douleur d'une femme, aussi la force d'une femme. Et c'était une voix cassée, mais en même temps tellement riche. Elle est asthmatique en plus. Oui, hein. Ah oui, oui, elle avait tout pour ne plus être chanteuse. Hein? Oui. Au contraire, je crois que c'est son public qui lui donnait sa dose. Ah, mais bien sûr. Et vous aussi, bien hein? Sûr. C'est le meilleur carburant. Hein? Oui. C'est le meilleur carburant. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça que nous sommes ici, c'est que vous écrivez en français. Vous auriez pu vous laisser traduire des textes ou même chanter en anglais, mais non, vous êtes fidèle à la langue française. Et c'est une langue qui sonne bien avec Piazzolla. On sent vraiment que la sensualité de la langue française avec la sensualité de la musique de Piazzolla, ça donne quelque chose d'assez... En tout cas, les trois pièces que j'ai eues, les trois pièces que j'ai diffusées, les courriels où les auditeurs me disaient c'est vraiment un lien intelligent et fort entre la langue française et le bandoneon de Piazzolla et la musique de Piazzolla. Donc, c'est quelque chose d'assez fort. Et vous vous êtes vraiment mis à travailler dans ce sens-là avec la langue française et la musique. Oui. Mais qu'est-ce que vous attire avec la langue? Parce que vous devez parler d'autres langues aussi? Non, je parle le franglais-espagnol, pour tout vous dire. OK, ah oui? Franglais-espagnol, c'est-à-dire je bricole en anglais, je bricole en espagnol. Okay. Mais je chante pas du rock, tout ça. Je suis très attachée à la poésie française. Et on a une richesse au niveau du langage extraordinaire. Et j'aime la France, j'aime Paris, et je me dis, je vois pas pourquoi je chanterais, d'accord, ce serait peut-être plus business, mais je m'en fous. Je vois pas pourquoi je chanterais une autre langue que ma langue maternelle. Si demain, parce que j'ai des origines bretonnes, je me mets à jouer de la musique bretonne, peut-être que j'aurai envie de chanter sur des textes bretons. Et vous aimez aussi de la musique celtique, hein? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et là, j'ai un coffre que j'aimerais ouvrir avec vous. Ce coffre-là, c'est celui du jazz. Vous avez rencontré une sommité un jour dans votre vie. J'aimerais que vous nous en parliez. Ben, plusieurs sommités j'ai rencontré. Mais... Oui, mais un qui a quand même créé une sorte de façon de faire dans le jazz. Herbie Hancock, vous voulez parler? Oui. Ben, c'est une histoire tout à fait rigolote, oui, et banale. Et, j'aimais beaucoup plusieurs thèmes d'Herbie Hancock, dont un thème en particulier qui s'appelait Dolphin Dance. Et je me suis amusée à écrire des paroles sur Dolphin Dance. Et puis, un jour, je suis allée à New York. Et ça, c'est mon côté chance, mon côté... j'ai une vie un peu bordélique, toujours à l'arrache, de tout. Mais je sais pas. Mais voilà, peut-être, mais j'ai un facteur chance quelque part. L'ange, votre ange en question. Voilà, mon ange, certainement. Et donc, je vais à New York 10 jours en 89. Mais en voyage ou simplement à la recherche d'eux? Ben, comme ça, non, okay. Ça m'a pris. Ah oui? Ça m'a pris comme une envie de 10 jours avant, je me suis dit, tiens, je vais partir à New York. Pourquoi? J'en sais rien, c'est venu comme ça. Et là-dessus, je rencontre une copine dans la rue qui me dit, ah, tu vas aller à New York, tu sais où aller? J'ai dit non. Elle me dit, ben, viens, je vais te présenter une copine qui connaît quelqu'un. Ok. On arrive chez cette copine en question, qui était restauratrice de tableaux. Et ma copine lui dit, bah tiens, Marguerite, elle veut partir à New York, est-ce que tu connais, où est-ce qu'elle pourrait aller? Oui, pas de problème, elle prend le téléphone, bingo, 10 minutes après, je savais... Vous étiez avec? Oui, 10 minutes après, je savais où j'allais habiter, et dans un super appart à Brooklyn, 100 mètres carrés, le mec était peintre, sculpteur, et la femme était responsable du service d'art primitif dans un musée. Donc j'avais les clés, je suis restée 10 jours là-bas, ça s'est passé comme une lettre à la poste, c'était génial. Ils ont encore la photo de moi sur leur frigo et okay. c'est fou quoi. Oui. Et donc je vais à New York et puis par hasard au Blue Note il y a Herbie Hancock qui passe, alors que je n'étais même pas au courant. Alors je me dis, Margaïde, vas-y, parce que je suis quand même quelqu'un timide, quoi. Ouais. Et puis, à la fin du concert, je me dis, bon, écoute, t'es quand même pas ici pour rien, donc ose. Et puis, en bas des escaliers, je lui dis bonjour, je suis française, nanana, et j'ai écrit un texte sur votre musique, Dolphin Dance, etc. Ah, il me dit, ok, bah, montez dans ma loge, alors je monte dans sa loge, et je lui présente le texte, et il part faire une photocopie. Et quand il revient de faire la photocopie, j'avais mon appareil photo à la main. Alors je le prends en photo, et je me suis dit, peut-être il va gueuler, parce que... C'est une sommité. Oui, puis c'est une photo volée, quand même. Fait. Alors, et puis il est resté, il a posé. Ah ouais. Super. Là-dessus, il y a quelqu'un qui rentre dans la loge. Donc, il était parti faire la photocopie du texte. Quelqu'un rentre dans la loge, une femme blonde, je ne savais pas qui c'était. Et je lui demande gentiment, ça ne vous dérange pas de faire une photo avec Herbie Hancock? Alors, elle me dit non. Et j'ai l'audace de lui dire, attention, faut pas bouger. Elle fait une photo, la photo est superbe. On a l'impression qu'on se connaît depuis je ne sais combien de temps. Et j'ai appris plus tard que cette femme était entre autres la chef d'orchestre qui allait diriger Nougaro à Bercy. C'était pas n'importe qui non plus. Alors elle parlait français? Oui, c'était super. Et donc. En quelle année Nougaro et. Ben là c'était en 89. Ça devait être à l'époque de Nougat York. Oui, etc. exactement. Et donc. Donc me voilà avec cette photo que j'ai découvert quelques jours plus tard, et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit mais c'est dingue, c'est incroyable. Et je suis revenue à Paris, alors j'avais des contacts avec le petit journal Montparnasse, et quand le serveur programmateur a vu ça, il dit non mais Marguerite, c'est pas possible, tu pars à New York, tu reviens avec une photo d'Herbie Hancock. C'était, j'y croyais pas moi-même quoi. c'était surréaliste voilà. Et le texte, qu'est-ce qui s'est passé, le texte? Ah, ben, je ne sais pas. Je lui ai donné, et puis je ne sais pas s'il en a fait quelque chose ou pas. Et vous, l'avez-vous indiqué? Avez-vous... Non, moi je l'ai pas. Mais sur scène, la chantez-vous? Non, parce que je fais plus trop de jazz, donc. Les rappels, même pas un rappel non, parce en racontant faudrait... cette histoire-là. Oui, non, mais ma vie n'est pas finie. Non, c'est là où je dis, voilà. Oui. C'est là où je dis, ma vie n'est pas finie, oui. Parce que j'ai écrit sur d'autres musiques aussi. Et donc, peut-être que j'y reviendrai, justement. Et alors, l'histoire, c'est qu'il y a, deux ans de cela, attends, même pas deux ans, l'année dernière, je crois. Non, l'année dernière, on est en 12. 11, non, 2011, 2010. 2010, il okay. a été récompensé par la mairie de Paris. Oui, de Paris, oui. En tant que chevalier des arts et des oui, lettres, oui. quelque chose comme ça. J'ai la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, voilà. C'est Fillon qui lui a Rémi. Premier ministre. Mmh. Il se trouve que le frère de François Fillon, Dominique Fillon, est pianiste de jazz. Et il connaît très bien mon ami de l'époque. Et donc, mon ami de l'époque est invité. Et du coup, il m'invite. Et donc, je revois Herbie Hancock. Ben voyons. Et à un moment donné, je lui montre la photo. Oui, c'est nous. Mais voyons. Mais j'avais des cheveux noirs à cette époque-là. Voyons. C'était trop mignon. Et il m'a dit... J'avais souillé. Oui, allez. Alors je lui ai donné, bien évidemment. Ah. Et du coup, j'ai une photo... Encore avec lui, c'était 20 ans après. Deux photos. Okay. Ben, voilà. 20 ans, c'est comme un peu le film de Claude Lelouch, 20 ans plus tard. Exactement, exactement. Et c'est mignon parce que c'est la même gentillesse. Bonjour mesdames, messieurs, je m'appelle Dame de Tango, je ne suis pas dangereuse. Au contraire, je suis amoureuse d'Argentine et ses dires. Bandoneon et tango, je veux vivre et mourir sur son vieux tapis tout chaud. Écoute, madame, monsieur, je suis la dame de tango. Liberté, libertad, j'adore la danse et rando. L'Argentine sait me dire que je t'aime, yo te quiero. Mais mon amour pour elle déchire mon âme au galop. Ah, ah, si tu savais, mon cœur est désemparé. Et cadenassée, ma raison désespérée. Oh, oh, oh. Ah, ah, si tu voulais me rendre un peu de liberté. Dans la rue, je pourrais chanter le respect. Le droit d'aimer. Souviens-toi, nous étions joyeux avant tous les trois. Le bandoneon, et le tango et moi, c'était la java. Allons-y, dépêche-toi, réconcilions-nous vite, sinon j'en mourrai. Car je ne pourrais supporter de trahir mes pensées, ça, jamais. Au revoir mesdames, messieurs, j'étais la dame de tango. Le soleil dans les yeux, mon cœur dansait sur un dos. L'Argentina chantait, bandonnée en huit tango. Mais les bons souvenirs, je dois leur tourner le dos. Adieu mesdames, messieurs, je meurs en dame de tango. Le soleil dans les yeux, mon cœur dansera sur le dos. L'Argentine gémira, bandonnée en huit tango. Mais les bons souvenirs seront avec moi là-haut. Bonjour mesdames, messieurs, c'est l'ange dame de tango. Les étoiles dans les yeux, verse son cœur sur le dos. Caresse de ses ailes, bandonnée en huit tango. Et les bons souvenirs nous enchanteront bientôt. Écoute, madame, monsieur, la dame de tango. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagnier, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com. Ou vous joindre à son réseau social, Facebook, en tapant Reynald Gagnier ou Errance Reynaldienne. Chers amis,